Me racontez surtout pas que je vais en rire dans quelques mois, quand tout est gris, tout n'est que cendre, tout brûle et se déchire en moi. Non, je ne veux surtout pas entendre que ça ira, qu'il faut attendre. Non, je ne veux plus rien comprendre, non, je refuse. Pas question pour moi de croire qu'il y aura un jour après mes nuits. Quand je ne sais par quel miracle sans toi je suis encore en vie. Quel imbécile a dit un jour que tout se guérit avec le temps. Je ne veux plus rien écouter, non, c'est du vent. À quoi ça sert d'exister si tu n'es plus à mes côtés? Je refuse. Je dois me résoudre à fermer sans même un dernier inventaire. Pourquoi compter, c'est pas la peine. Je sais que c'est tout que je perds. Mais que faire de la vie quand on n'a plus son âme, son esprit. Et je devrais dire merci car c'est ainsi. À quoi ça me sert de gagner si on ne peut plus rien partager? Je refuse. Je refuse de parler. Je refuse d'écouter. Je refuse de continuer. Je refuse. Je refuse de parler. Je refuse d'écouter. Je refuse de continuer. Je refuse. Mais que faire de la vie quand on n'a plus son âme, son esprit, et je devrais dire merci car c'est fini et c'est ainsi. Quel imbécile a dit un jour que tout s'oublie avec le temps. Non, je ne veux plus rien entendre.